La mouche philosophe ou Franklin Mouly-Joly par François Vertiot. Pendant les 9 années que Franklin fut investi par l'Angleterre de la qualité de ministre plénipotentiaire auprès du roi de France pour solliciter l'indépendance des États-Unis, pendant ces 9 années, dis-je, de 1776 à 1785, le vénérable philosophe à cheveux blancs fit élection de domicile à Passy, où il vécut tranquille et considéré, prodiguant les charmes de son intimité à un cercle d'amis, la plupart célèbres, et qui tous étaient heureux des moments qu'ils pouvaient passer avec lui. Parmi les personnes qu'il affectionnait le plus vivement, se trouvait une dame Brion, beaucoup plus jeune que lui. Franklin avait 70 ans lorsqu'il vint résider à Passy, dame aimable et spirituelle, et qui, à ses dons du cœur et de l'esprit, joignait un talent remarquable sur le clavecin. De douces relations de voisinage s'étaient établies entre elle et l'avocat enthousiaste du Nouveau Monde. Ils savouraient ensemble un grand nombre de leurs heures de loisir. Ils conversaient, discouraient sur toutes sortes de sujets, et les grandes choses que le vieux Benjamin savait soulever dans ses faciles et profondes causeries exerçaient un attrait irrésistible sur l'esprit de Madame Brion, qui à son tour le captivait en lui exécutant les plus beaux passages des opéras nouveaux. C'était en un mot, entre ces deux respectables amis, le commerce le plus sympathique et le plus élevé qui peut exister entre deux savantes et deux aimables créatures. Aussi aimait-on beaucoup à les avoir ensemble, parce que la conversation générale se ressentait toujours de l'agrément qu'ils éprouvaient de leur présence réciproque. Un beau jour de l'été de 1778, M. Batelet, littérateur estimable et membre de l'Académie française, les avait invités tous deux à venir passer la journée chez lui, au Moulin Joly, ravissante maison de campagne, détruite aujourd'hui, qu'il possédait sur les bords de la Seine, entre Colombes et Argenteuil, juste en face l'île qu'on appelle l'île Marante. Une agréable société s'y trouvait rassemblée, et à la promenade que l'on fit dans les jardins après dîner, tous les arts auraient pu sans peine se voir représentés par des noms plus ou moins illustres. Les deux amis venaient d'arriver. Ils avaient déjà entrevu qu'ils auraient ce jour-là nombreux entourages. « La journée vous sourit-elle ? » demande tout à coup Franklin à sa gracieuse compagne. « Je crains, » répond celle-ci, « que l'apprêt forcé, inséparable d'une grande réunion, ne gâte un peu le charme de nos causeries. »« Vous savez que j'ai mon franc-parler volontiers partout. »« Oui, mais on est plus ou moins à l'aise et j'ai peur. »« Vous avez peur. » »« Que tous ces hommes, au nom bruyant et cuirassés de gloire, n'étouffent la bonhomie de mon cher voisin. »« Rassurez-vous. » »« Si je suis contraint, le train n'en jaillira que mieux. » Je vous promets que je trouverai moyen de glisser mon mot. Je prends acte de votre promesse. Comptez sur son exécution. » Et les deux amis continuèrent à laisser couler doucement les heures au milieu de ce cercle choisi et dont je ne puis me dispenser de vous faire connaître quelques membres. Voyez par cette nomenclature incomplète et rapide quels hôtes étaient venus se délasser à Moulin Joly. Le fameux versificateur de Lille y avait récité pour la 3e ou 4e fois la longue et assez jolie inscription dont il avait gratifié l'élégante villa, chantée d'ailleurs dans ses jardins. Marmontel s'était rendu de Beson, où il y avait lu un de ses contes moraux qu'il terminait pour le Mercure. Palissot, venu d'Argenteuil, quoique peu ami du précédent, s'était attiré le reproche d'être trop agressif par la lecture d'un certain chant ajouté à sa d'Urciade. La Dimerie, qui devait bientôt continuer le genre narratif de Marmontel, avait fait connaître plusieurs passages retouchés de ces deux âges du génie et du goût. L'aimable amphitryon lui-même, M. Batelet, auteur du poème de l'art de peindre, avait cherché dans son dernier recueil d'opuscules quelques pièces en prose et en vers, inconnues encore à plusieurs de ses amis. Le docteur Barbe du Bourg, traducteur des œuvres de Franklin avec M. Lécuy, et mort 1 an plus tard, avait parlé botanique et entomologie et lu quelques passages de son remarquable Code de la raison humaine. Des peintres et des sculpteurs, amis de Greuze, de Dantoux, de Vien, de Fragonard, de Vernet, de Saint-Aubin, de Caffieri, de Falconet et de bien d'autres, s'étaient entretenus des beautés de leur art. Et en fin de compte, Madame Brion avait couronné la séance par l'exécution ravissante de 2 morceaux du dernier opéra de Grétry. Il s'établit aussitôt parmi ce groupe d'élites rentré dans le salon pour lire et causer, une conversation vive, animée, pétillante. Cette conversation fut d'abord générale, comme il arrive toujours au premier moment d'une causerie qui cherche son équilibre. mais elle prit bientôt des allures plus intimes, je veux dire plus personnelles, et une pente douce et facile l'amena, sans trop de détours, à une discussion assez chaude et pleine d'attrait sur le mérite réel et relatif de chacun d'eux. Il n'y eut pas un de ces hommes distingués qui ne s'estima heureux et ne se gonfla légèrement de sa part de renommée. Pas un qui ne crut voir les regards de la terre entière fixés sur lui. Pas un qui ne rêva pour son propre compte une gloire éclatante et plus durable que la longue série des siècles. Si je me trompe, il y en eut un. Un qui n'était pas revenu avec les autres de la promenade du jardin. Un qui s'était beaucoup attardé à lui tout seul et qui, rentré au moment curieux, où chacun des causeurs était en train de se décerner, de se faire reluire et de se poser le mieux possible sa petite auréole, ne put s'empêcher de sourire en les entendant, mais de sourire avec discrétion, presque en dedans de lui, ou du moins d'une lèvre imprégnée de bienveillance et d'aménité. Mais entre gens d'esprit et d'intelligence, un sourire, si fin et contenu qu'il soit, n'est pas une chose qui passe inaperçue. Vous devez penser si celui de Franklin fut remarqué. Cependant, il ne suscita pas la moindre récrimination. Chacun de nos ardents discoureurs, pris en flagrant délit de glorification personnelle, en avait trop bien deviné la cause. Seulement, on aurait pu constater que les plus enthousiastes d'eux-mêmes se pincèrent légèrement les lèvres. Et le bon Benjamin, le bonhomme Richard, comme on l'appelait quelquefois, lui qui savait si parfaitement laisser éclore un sourire intérieur, ne manqua pas de voir ce jeu muet et d'en faire son profit. « Bon, se dit-il en pensée, voilà nos grands hommes qui faiblissent. Les premières fumées de la vanité leur montent au cerveau. Si je les laisse parler d'eux plus longtemps, ils vont finir par s'enivrer. Pauvre gloriole humaine !» Il jette furtivement un coup d'œil d'intelligence à Madame Vrillon, qui avait souri du sourire de son amie, puis, s'approchant de la principale portion du groupe glorieux et glorifié, « Je suis bien en retard, messieurs, leur dit-il. Nous vous avons cherché à plusieurs reprises et surtout fort regretté. Eh bien, pardonnez-moi. Je vais tâcher de combler la faible lacune de mon absence parmi vous en vous faisant le récit de ce qu'il a occasionné. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Lui demande-t-on à la fois de plusieurs côtés de la salle. C'est tout simplement, reprend-il, une contemplation. Mais elle m'a tellement absorbé que pendant le temps qu'elle a duré, je me suis oublié moi-même. Je m'en réveille comme d'un rêve. Le cercle s'était déjà formé autour du fin causeur, et le silence de chacun des convives, qui ne demandait rien de mieux qu'une diversion à la leçon suspendue menaçante sur eux, lui réclamait éloquemment le récit de la contemplation promise. C'était peut-être un peu ce que Franklin voulait. Aussi ne se fait-il pas attendre. Il s'assied, et d'un ton charmant et facile, « Vous connaissez tous, messieurs, dit-il, ces nombreuses petites mouches dont les essaims se plaisent à voltiger près des rivières. Les savants les appellent éphémères. Le peuple lui donne le nom de man. La première de ces deux dénominations leur vient de ce que le même jour voit naître et mourir toutes leurs générations successives. Le docteur Barbe Dubourg, ici présent, m'avait montré aujourd'hui un nombre infini de leurs cadavres. Mais dans ma promenade, ce soir, j'ai fait une découverte. Sur une belle feuille du coudrier du bord de l'eau, j'ai remarqué une compagnie vivante de nos petites mouches. Ah ! Interrompt quelqu'un. « Elle faisait la conversation, » reprend Franklin. « Vraiment ? Oui, et ?»« Et ?» lui demande malicieusement un second interrupteur. « Et je les ai écoutés. »« Hâtez-vous, je vous prie, de les faire parler. Nous les écoutons à notre tour. »« Vous savez, » reprend de nouveau le fin bonhomme, « que j'entends tous les langages des espèces inférieures à la nôtre. C'est peut-être ma trop grande application à ce genre d'études qui doit excuser mon peu de progrès dans votre langue. Je vais néanmoins... « Tâchez de m'en tirer de mon mieux. » C'était une manière de réclamer l'indulgence. Il n'en avait guère besoin. « Ma curiosité, » continue-t-il, « fut vivement piquée. Aussi j'écoutais avidement les propos de ces imperceptibles créatures. Mais la vivacité des individus de cette nation semble être en rapport avec la brièveté de leur vie. Ils parlaient trois ou quatre à la fois. Je ne pus presque rien saisir de leurs rapides et multiples discours. Quelques expressions décousues m'arrivaient cependant de temps à autre, et je crus comprendre à la fin qu'ils discutaient avec autant de chaleur que de volubilité sur le mérite de quelques artistes étrangers, dont deux musiciens, l'un un cousin et l'autre un bourdon, Ils passaient, les futiles, tout leur temps à ces débats, absolument comme s'ils eussent eu devant eux plus d'un grand mois d'existence. Après cela, il est si bon, messieurs, d'oublier les amertumes de la vie dans les douceurs de l'art. Je quittais cependant nos discuteurs acharnés pour me tourner vers un autre des leurs. C'était un vieillard, à la tête blanche, au corsage courbé, aux ailes affaissées, et qui seul sur une feuille voisine se parlait tout haut à lui-même. Son monologue m'intéressa au plus haut point. « Vous pourriez alors nous en dire quelque chose ?»« Je l'ai assez retenu pour essayer de vous le répéter. »« Alors écoutons, bourdonnait la mouche au grand âge. »« Voici, reprend notre causeur, voici à peu près le thème de mon vieillard, dont je voudrais pouvoir vous reproduire le ton ému et la voix doucement mélancolique. »« Oui, se disait-il gravement. »« Oui, c'était l'opinion des anciens de notre race, des savants, des philosophes, qui ont vécu et fleuri avant nous. »« Oui. » Ce vaste monde, et le vaste monde pour lui était le Moulin Joly, ne pouvait pas subsister pendant plus de 18 heures. Et les sages qui pensaient cela, pensaient sagement, à en juger par la marche apparente du grand luminaire qui donne la chaleur et la vie à toute notre nation. De mon temps seulement, ne l'ai-je pas vu, cet immense foyer de lumière, ne l'ai-je pas vu fixé au milieu du ciel et lançant directement ses feux sur moi. Et maintenant, je le vois déjà, d'une manière sensible, décliné vers l'océan qui borne cette terre et... Son océan était la Seine. Il s'y achemine à chaque seconde, et à l'époque indiquée, il faudra qu'il termine son cours, éteigne ses rayons dans les eaux qui nous environnent, et livre le monde entier à des ténèbres et à des glaces qui amèneront infailliblement une mort et une destruction universelle. J'ai déjà, moi, penseur attardé, j'ai déjà vécu 7 heures sur ces 18. C'est un grand âge. Et ce n'est pas moins de 420 minutes, pas moins de 25 200 secondes. Combien peu d'entre nous sont parvenus ou parviendront aussi loin? J'ai vu de nombreuses générations naître, vivre et mourir. Que de groupes disparus. Quelle foule imprudente et sans expérience balayée dans les eaux, dispersée par un vent frais ou par un choc inattendu. Mes amis d'à présent sont les enfants et les petits-enfants des amis de ma jeunesse, lesquels, hélas, ne sont plus. Et je dois bientôt les suivre, car par le cours de la nature, je ne puis, quoique vert encore et bien portant, m'attendre à vivre plus de 7 à 8 minutes. Alors je toucherai au moment fatal, qui arrive après la vie la plus longue, tout aussi bien qu'après la plus courte existence. Le narrateur promène sur tous un regard qui interroge rapidement l'assemblée. L'attention des auditeurs ne se refroidissait pas. Franklin continue. Et que me serviront ? Poursuit mon vieillard, que me servent même, dès à présent, tous mes labeurs, toutes mes fatigues. À quoi bon avoir passé les 3/4 de ma vie à me récolter sur une feuille une provision de douce rosée, que je ne puis vivre assez pour consommer. Et les débats politiques dans lesquels je me suis engagé pour le bien de mes compatriotes, habitants de ce buisson, et mes recherches philosophiques consacrées au bonheur de notre espèce en général, et mes études littéraires. De quel profit va m'être tout cela? En politique, tout dégénère. Que peuvent, disait ma mouche avec Horace, que peuvent les lois sans les mœurs? Le cours des minutes rendra la génération présente aussi corrompue que celle des autres buissons plus anciens, et par conséquent aussi malheureuse. Et en philosophie, que nos progrès sont lents. Hélas, disait-elle avec Hippocrate, la science est longue et la vie est courte. Et dans les arts. Ici, dit Franklin en s'interrompant lui-même, un soupir à demi étouffé fit faire une pause involontaire à mon grave personnage, mais désirant mener son discours à bonne fin, il reprit aussitôt. Dans les arts. Hélas, mes amis, pleins d'une tendre sollicitude pour ma vieillesse, cherchent à me consoler par l'idée d'un nom, qu'ils prétendent que je laisserai après moi. Ils disent que j'ai assez vécu pour la gloire et que la postérité sera fière de mes travaux. Mais que sera-t-elle cette postérité? Que sera-t-elle cette gloire pour un éphémère qui n'existera plus? Aux yeux de qui brillera cette vaine auréole? L'histoire qui doit garder les grands noms, que deviendra-t-elle elle-même? Lorsqu'à la 18e heure, le monde entier arrivera à sa fin, et qu'au milieu d'un méconnaissable amas de ruines, tout sera replongé dans l'éternel oubli. C'était la fin de la tirade. « Voilà, » ajoute en souriant de nouveau Franklin, « Voilà ce que mon vieillard a dit. Et chacun de nos passionnés auteurs de prendre pour lui, mais tout bas, sa part du soliloque de la mouche, personnage non pas séculaire, mais septoraire, qui venait de mettre en scène le bon et légèrement malicieux Benjamin. C'était bien le plus joli trait que l'on pût narquoisement décocher contre leur petite sortie de vanité. Ils n'eurent pas l'air de comprendre le coup. Ils sourirent tous et applaudirent, mais ils ne tardèrent pas à se retirer. Madame Brion, qui s'était retenue plus d'une fois pendant le discours de la mouche, sourit également, et c'est sur la demande de cette femme spirituelle que Franklin fit de ce récit le sujet d'une lettre, pleine d'allusions transparentes et de 12 épigrammes. Il la lui adressa dès le lendemain. Cette lettre se terminait par ces simples mots. « Pour moi, après tant de recherches activées, il ne me reste de bien réel que la satisfaction d'avoir passé ma vie dans l'intention d'être utile, en jouissant de la conversation aimable d'un petit nombre de bonnes dames éphémères, et de temps en temps du gracieux sourire et de quelques suaves accords de Madame Brion. » C'était plus modeste que la conversation des nombreux amis à qui il avait donné sa fine leçon. Ainsi s'achève La mouche philosophe ou Franklin à Moulin Joly par François Fertiot.